Et si c'était le moment de retrouver le chemin de la confiance et de l'optimisme? Dans le livre « La confiance en soi », Charles Pépin nous donne les moyens de passer à l'action. De la philosophie antique à Madonna, de la psychanalyse à Serena Williams, l'auteur fait de la philosophie une force de vie quotidienne. Cultivez à votre tour la joie et l'audace. « La confiance en soi » de Charles Pépin est disponible en librairie, aux éditions Pocket. Pocket, un livre, une rencontre. Je vous propose aujourd'hui de redécouvrir une série d'émissions autour du pianiste et jazzman Keith Jarrett, diffusée en novembre 2020. Aujourd'hui, premier temps, Esprit du jazz, es-tu là ? L'écoute musicale est paradoxale. Moment de jouissance totale, mais sans raison de jouir, ni sans personne qui puisse être réputée jouir. Qui parle ? Qui écoute ? De quoi est-il question ? Il n'y a ici ni message ni récepteur. Le message est blanc, et celui qui aurait pu l'entendre est de toute façon évanoui, perdu dans une béance anonyme. Le musicien est comme le voyageur prudent, préparé au vide des auberges où il ira loger. Il apporte son réel avec lui. Et oui, la semaine sera bonne sur France Culture, les chemins de la philosophie. Bonjour Raphaël Imbert. Bonjour Adèle. Merci d'être avec nous ce matin depuis chez vous, confinement oblige. Vous êtes directeur du conservatoire Pierre Barbizet de Marseille. Vous êtes musicien, jazzman, chercheur, membre de la compagnie Nine Spirit. Et c'est avec vous qu'on commence ce confinement en compagnie de Keith Jarrett cette semaine. Vous aurez sans doute reconnu ce premier morceau que nous sommes en train d'écouter. C'est un morceau du trio de Keith Jarrett avec Gary Peacock et Jack DeJohnette, God Bless the Child. C'est un live à Tokyo en 1985 et c'est la meilleure des chansons pour commencer cette semaine, non ? Ah, rien ne me ferait plus plaisir que d'écouter ça pour commencer la semaine, parce que en plus il se trouve que c'est un des morceaux qui m'a initié au jazz, c'est-à-dire que cette version de Keith Jarrett de cette magnifique chanson de Billie Holiday, c'est ce qui m'a vraiment introduit dans la notion et dans l'esprit de cette musique, parce que vous avez tout dedans en fait, vous avez le lyrisme, vous avez la poésie, vous avez le groove, le swing, même tout cet aspect de musique dite noire et de folk music en même temps, et toute la majesté en fait du génie de Keith Jarrett qui se manifeste là-dedans. Donc rien ne pouvait nous faire plus plaisir que de commencer la semaine et l'émission avec vous, avec God Bless the Child. Vous aurez entendu, c'est râle, hein. De quoi Keith Jarrett parle-t-il lorsqu'il joue ? On en parlera toute la semaine, évidemment. Alors, Raphaël Imbert, le 21 octobre 2020, dans le New York Times, Keith Jarrett a annoncé qu'il arrêterait de faire des concerts, qu'il arrêterait les tournées. Il a eu plusieurs AVC ces dernières années qui l'ont vraisemblablement paralysé en partie. Il le dit, je ne me sens plus pianiste, je ne peux plus jouer. Et alors, cette annonce a eu un retentissement quasiment planétaire, semble-t-il. Les journaux du monde entier ont repris cette information, et dans tous les domaines. Est-ce que ça veut dire que Keith Jarrett, qui est surtout connu dans le milieu du jazz, a en fait une réputation, un effet, un impact sur la société dans son ensemble, et pas simplement chez les musiciens ? Il faut, alors, déjà, il faut croire que oui, puisqu'on est, on est ensemble en train d'en parler sur France Culture dans, dans les chemins de la philosophie, parce qu'il y a un impact, en fait, de ce, du, le passage de ce musicien dans l'histoire de la musique a eu un impact assez important. Mais il se trouve que, pour revenir sur cet événement et cette interview, elle a eu, ça a été une déflagration, en fait. Assez étonnamment, moi, à titre personnel, je m'attendais pas à ce que c'est autant d'impact, mais ça a redonné en fait toute la dimension et l'importance de ce musicien vis-à-vis de l'histoire de la musique et de la culture en général. C'est-à-dire qu'on en a parlé partout, de France Inter, aux journaux, au quotidien. Tout d'un coup, cet événement faisait sens par rapport au fait qu'on ne pouvait plus entendre en vrai Keith Jarrett, on ne pouvait plus l'entendre en concert, on ne pouvait plus assister à ce qui était dans ces concerts reconnu comme presque une cérémonie assez unique et qui, par la définition même de l'improvisation, était unique à chaque fois. Donc en fait, il y avait quelque chose d'assez fort, c'était assez étonnant de le voir, c'était assez étonnant de voir la réaction du milieu culturel en général qui a pris ça comme un choc, du milieu du jazz qui avait peut-être un petit peu oublié l'importance de Keith Jarrett. Dans l'interview, il y a beaucoup de passages très intéressants et assez significatifs. Il dit, je suis peut-être pour les pianistes que Coltrane a été pour les saxophonistes. Dans le milieu du jazz, ça a été pris comme une nouvelle affirmation d'un ego surdimensionné. Ouais. Mais en fait, il fallait comprendre ce qu'il racontait, parce que c'est vrai. C'est-à-dire que l'histoire du piano, et au-delà même du piano, du jazz et au-delà du jazz, de la musique et de la culture, a été totalement influencé par cet artiste. Et puis il y a eu un effet quand même, un double effet, parce qu'en fait quelques semaines auparavant, on annonçait la disparition de Gary Peacock, le contrebassiste qu'on vient d'entendre dans la reprise de God Bless the Child, qui faisait partie inhérente du trio de Keith Jarrett, qui est cas assez unique dans l'histoire du jazz, un des rares moments où une formation reste plusieurs, quasiment trois décennies ensemble, à jouer ensemble. Et donc on savait aussi qu'on ne pourrait plus assister à cette alchimie de ce trio qui est quand même mythique et qui a effectivement changé l'histoire de la musique et de la culture en général, parce que je pense qu'on le verra toute cette semaine grâce à cette émission. Il y a une dimension philosophique, une dimension politique, poétique, qui va bien au-delà, en fait, de la musique. Justement, ça va être l'occasion pour nous de réfléchir à ce que c'est que la musique, à ce que c'est que le jazz et à ce que Keith Jarrett a fait au jazz, dans le bon sens du terme, enfin on verra, hein, peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord. Et d'abord, un mot sur la citation que j'ai proposée en début d'émission, c'était un extrait de L'objet singulier de Clément Rosset, le philosophe Clément Rosset, un grand, grand mélomane qui aimait beaucoup la musique et écrit des pages sublimes sur la musique. Et ce qu'il dit, me semble-t-il, sur l'écoute musicale comme étant un moment de jouissance totale dans lequel on ne sait pas qui parle ni qui écoute, de quoi il est question, correspond assez bien à ce que le type de musique qu'est le jazz fait justement à l'auditeur, le type de moment que le jazz crée. Et je voudrais qu'on commence par là, Raphaël Imbert, ça paraît évident, mais je crois que c'est assez compliqué. Comment est-ce que vous définissez le jazz ? Oh, mon Dieu, c'est votre métier quand même. C'est un piège, en fait. Ah oui, c'est mon métier, mais figurez-vous que ça fait plus de 100 ans que ça dure et qu'on n'a toujours pas trouvé la réponse. Si on parle du jazz, on est quand même, quand vous êtes jazzman et quand vous faites du jazz, vous êtes là dans la seule situation d'un musicien qui joue une musique qu'il n'arrive pas à définir étymologiquement, symboliquement et musicologiquement. C'est-à-dire que si vous prenez un quartet de jazz, vous aurez 4, voire 5, voire plus définitions différentes du jazz. Le mot jazz, on ne connaît pas son origine exacte étymologiquement. Il y a autant d'hypothèses qu'il y a d'admirateurs ou de contempteurs du jazz, parce qu'il y en a aussi beaucoup de gens qui n'aiment pas le jazz, et du reste c'est toujours intéressant de savoir pourquoi. Et en fait, c'est extrêmement compliqué de définir cette musique. Moi, j'ai ma définition personnelle, qui est le jazz, c'est le geste musical qui me permet de jouer avec qui je veux, quand je veux. Alors du reste, ça rejoint et ça résonne assez bien, je pense, avec la citation de Clément Rosset que vous donniez, c'est-à-dire qu'il y a une dimension dans la musique en général quand même, hein. Déjà, c'est quand même l'art du non-dit, du sens qui est pas forcément sémantiquement raconté, qui est dit. On parle surtout de musique instrumentale dans ce cas-là. Hein, on a quand même, quel est le sens de la musique? Et le jazz en particulier, qui est l'art, non pas du passé, du futur, du présent, mais l'art de l'instant, ce qui est complètement différent. Alors là, quand j'entends Clément Rosset parler du musicien qui voyage avec son propre réel et qu'il propose à tout le monde, en quelque sorte, je trouve que c'est la meilleure définition du jazz tel qu'on peut l'imaginer. D'ailleurs, c'est souvent chez les philosophes et les philosophes contemporains du jazz qu'on va trouver des éléments de compréhension et d'explication. C'est effectivement le jazzman, le musicien, mais le jazzman en particulier, par ce sens de l'instant et de l'improvisation, est celui qui transporte son réel. C'est-à-dire qu'il le transporte avec lui, il le fait voyager et il le propose à qui veut l'entendre. Alors à qui veut l'entendre, c'est toute la question d'ailleurs dans le jazz, qui a longtemps été accusé et qui continue à l'être d'une musique d'initié ou d'élite, et qui pourtant est une des premières musiques populaires du monde entier en fait. Donc il y a vraiment toute cette ambiguïté, ça charrie tout ce paradoxe, et effectivement, cette notion du temps et du sens un petit peu altéré, bah finalement, une musique qui n'a pas de sens, c'est une musique dans laquelle vous allez mettre le sens que vous voulez, en fait. Même si, et c'est d'ailleurs d'autant plus frappant chez Cage Jarrett, même si le musicien, peut-être parce qu'il est dans cette quête de sens, qu'il a ce problème parfois de transmission du sens qu'il veut donner, va charger de sens sa musique à travers l'environnement de sa musique, la pochette, le discours, les références, qu'elles soient philosophiques, politiques, spirituelles, religieuses, il y en a de très nombreuses. Et chez Cage Jarrett, c'est un exemple assez concret, justement. Alors, quel est ce sens que cherche Keith Jarrett? Il l'a dit et redit, justement, pour lui, la musique dit quelque chose que les mots ne peuvent pas atteindre. Et pourtant, il a écrit un très court texte, c'était dans le livret d'un album qui s'appelle Spirits, qui sort en 1986, et dans ce texte, il semble exprimer sa vision de la musique, qui est que celle-ci serait d'abord spirituelle. Voici le texte. L'art existe comme ressouvenance. Tout art vrai est rappel de relations oubliées ou qui vont bientôt l'être. Que ce soit Dieu et homme, homme et femme, terre et humanité, couleur et forme, etc. La raison pour laquelle je dis « oublier », c'est que toutes les relations futures sont inhérentes à ce que nous voyons maintenant. Et de la sorte, nous pouvons oublier le futur. Les musiciens peuvent s'illusionner eux-mêmes chaque jour lorsqu'ils disent qu'ils font de la musique. Ils veulent dire qu'ils jouent très bien de leur instrument. Cela peut être accompli par des ordinateurs. Ce que les ordinateurs ne peuvent apporter, c'est la valeur, le sens, d'où l'esprit. Les chemins de la philosophie confinés avec Keith Jarrett. C'est ce qu'on vous propose cette semaine aujourd'hui en compagnie de Raphaël Imbert. Le texte que nous venons d'entendre laisse entendre la dimension spirituelle que Keith Jarrett voit dans la musique et y investit. Et nous sommes en train d'écouter, Raphaël Imbert, la piste 5 de l'album Spirits, qui est une espèce d'expérimentation musicale assez dingue, dans laquelle Jarrett joue des différents instruments en re-recording, c'est-à-dire qu'il il joue des pistes d'instruments qu'il va ensuite mixer ensemble. Cette dimension d'exploration spirituelle, elle est très importante pour lui. Elle est d'autant plus importante qu'il la manifeste de différentes façons. Il la manifeste justement dans les textes. Alors malgré tout, la musique n'a pas forcément de sens au sens sémantique du terme, mais beaucoup de musiciens vont écrire, comme John Coltrane d'ailleurs, pour expliquer leur musique, pour tenter de la raconter un petit peu plus et de la faire comprendre un petit peu mieux. Jarrett fait partie de ces musiciens-là et de ces artistes-là. D'autant plus de sens pour lui qu'il la manifeste aussi dans, par exemple, son amour manifeste pour les philosophies spirituelles ou ésotériques de certaines traditions qui vont du soufisme à Gurdjieff, qui était un philosophe ésotériste d'origine arménienne qui a terminé sa vie en France et qui a eu une influence capitale sur le monde de l'occultisme et du New Age à la française, en quelque sorte, et un peu, on le voit aussi aux États-Unis, que Keith Jarrett a manifesté toute sa vie cet intérêt très fort pour ces philosophies-là. Alors philosophie au sens, évidemment, sagesse du terme, avec toute la dimension que les Américains peuvent donner à ce sens-là, c'est-à-dire au sens spirituel. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette relation au spirituel, au religieux, au mystique. C'est ainsi que je définis dans Jazz Suprême un livre que j'ai fait sur le spirituel dans le jazz, justement, les trois dimensions qu'on pouvait retrouver chez les musiciens de jazz pour expliquer leur influence et leur imaginaire spirituel, qui est manifeste chez beaucoup d'entre eux depuis les débuts de l'histoire de cette musique. Mais chez Jarrett, ça explose, en quelque sorte. Ça se transmet de toutes les manières. Et Spirit, c'est un de ces manifestes-là, où vous l'avez dit, c'est un moment où il joue de tous les instruments. Tous les instruments que vous avez entendus dans cette plage-là, c'est lui qui les joue. Alors, c'est une tentative qu'il avait déjà faite sur un disque assez étonnant en 69 qui s'appelle Restoration Rune. Voilà, c'est un projet folk où il chante, il écrit les paroles. Il semblerait que, justement, dire les mots et les chanter ne suffisait pas. C'est peut-être la musique qui peut transmettre ce qui n'est pas transmissible, en fait. C'est vraiment d'ailleurs l'idée d'une de la mystique, c'est ça. C'est comment peut-on raconter ce qui n'est pas racontable? Donc, la musique est un des éléments, d'ailleurs, et ça, les jazzman, particulièrement les jazzman de cette époque-là, et on le voit très bien chez Keith Jarrett, s'identifient énormément aux traditions mystiques où la poésie et la musique et le sont les seuls moyens, les seuls vecteurs pour transmettre l'intransmissible, celle de la rencontre avec Dieu, celle de l'expérience mystique. Et Jarrett se définit assez clairement dans cette filiation-là, même si l'interview du New York Times sera aussi une autre révélation. Ça a été beaucoup moins noté, mais moi, ça m'a sauté à la figure, c'est que Jarrett termine l'interview en disant qu'il était revenu à la foi de ses parents, c'est-à-dire au Christian Science, c'est une forme de christianisme très très américaine, qui n'a plus grand-chose à voir, finalement, avec toutes ces traditions qu'en France, on a évidemment identifiées au phénomène New Age des années 70, mais qui est quand même cet intérêt très fort pour toutes les philosophies spirituelles qui viennent évidemment d'Orient, mais pas que. Et comment cette dimension spirituelle s'accommode-t-elle de la dimension plus militante et plus politique qu'on trouve dans le jazz dès le début de l'histoire de cette musique d'ailleurs ? Oui, et qui pourtant, alors chez Keith Jarrett, justement, ça, il semblerait qu'il y a... ça marque un mouvement, c'est-à-dire que chez un musicien comme Keith Jarrett, il parle très peu de politique, on a très peu d'éléments là-dessus. Malgré tout, en France, on a toujours voulu séparer les choses, c'est-à-dire que c'est extrêmement compliqué de définir un discours politique qui serait en même temps un discours religieux. C'est quelque chose qui, imaginez bien, le jazz est aimé en France, alors que la France qui est d'ailleurs le deuxième pays du jazz, hein, vraiment, à tout point de vue, c'est ici qu'on accueille les artistes comme on les accueille nulle part ailleurs, et dès les années 20, on aime le jazz pour quelque chose qui n'a pas grand chose à voir avec la façon dont le jazz est apparu aux États-Unis. Et cette dimension à la fois, dans les années 20, les surréalistes aiment le jazz parce qu'il représente une musique qui vient bousculer l'ordre bourgeois. Et quand ces mêmes musiciens, ces mêmes artistes, ces mêmes intellectuels se retrouvent face aux jazzman, comme Duke Ellington ou Louis Armstrong, ils se retrouvent face à des artistes au sens plein du terme. Vous avez le même phénomène après la Seconde Guerre mondiale. On connaît cette relation de l'existentialisme avec le jazz. On veut voir le jazz comme une musique de la libération, notamment de la libération sexuelle, ce qu'il est. Mais en même temps, et ça, c'est qu'il faut insister, c'est-à-dire que c'est la musique du paradoxe, c'est-à-dire qu'en même temps, c'est aussi une musique du sacré. Tous les musiciens aimés par les intellectuels, notamment de gauche, notamment les intellectuels de la gauche des années 68, vis-à-vis du free jazz, par exemple, aiment le jazz parce qu'il représente une libération, autant politique que sociétale, et en même temps, ils font face avec John Coltrane, Albert Ayler, avec Duke Ellington, à des musiciens qui ont une ferveur, une foi extrêmement, extrêmement bien définie, et extrêmement revendiqué, parfois même assez prosélyte, dans le cas d'Albert Ayler, par exemple, qui est le grand chantre de ce free jazz extrêmement fort et populaire dans les années 60. Chez Jarrett, on a aussi l'affirmation, et ça c'est quelque chose qui va apparaître vraiment là, qui est plus dans cette dimension spirituelle et métaphysique, l'affirmation que le geste improvisé est de toute façon spirituel en soi. On ne peut pas arriver à un certain stade d'improvisation, de création, et on l'a vu tout au long des extraits et des citations que vous avez données, notamment dans la citation de Keith Jarrett de l'album Spirit, hein, cette notion d'oublier, de construire un futur qui n'aura pas lieu, c'est cette musique de l'instant. Elle a forcément une dimension spirituelle. On ne crée pas comme ça, ex nihilo, quelque chose qui pourrait sortir de rien. Il faut la construire, il faut lui donner un sens, un esprit. Là, Keith Jarrett est très clair dans sa façon de l'expliquer. Et dans Spirit, justement, il rajoute presque un handicap pour montrer à quel point c'est important. C'est-à-dire qu'il arrive à improviser en préparant des enregistrements multiples. C'est-à-dire que Spirit n'existe que par le re-recording, c'est comme vous l'avez dit. C'est-à-dire qu'il enregistre une piste de percussion, après les flûtes, etc. Et malgré tout, il en fait un objet improvisé. Donc ça, là, c'est la quintessence, si j'ose dire, de l'art de l'improvisation. Comment on prévoit l'imprévisible? Donc vous voyez, cette situation de paradoxe qui est perpétuelle donne un sens particulier à cette musique. Et le corollaire de cette dimension spirituelle, c'est que bah, c'est le corps qui paye le prix cher de cette spiritualité et qui, Jarrett, raconte souvent combien son corps l'a fait souffrir, combien pour être au service même de ce qu'il est en train de faire quand il fait de la musique, il le dit, moi je peux pas donner d'ordre à ma main gauche, ni à ma main droite, ni à ma tête, je dois laisser faire, si j'interviens je ne peux plus improviser, mais le prix à payer c'est de grandes douleurs corporelles. Et là on se demande s'il n'y a pas quelque chose, une vision presque chrétienne de la souffrance nécessaire pour justifier le génie. Qu'en est-il, pensez-vous ? Est-ce que vous pensez que son corps, c'est un instrument, comme l'instrument de musique, et il est prêt à souffrir, mais c'est pas ça qu'il recherche ? Ou est-ce qu'il y a quand même cette idée de le génie doit souffrir ? Écoutez, je crois que l'aspect, judéo-chrétien lié à la souffrance, c'est quelque chose qu'il faut pas négliger quand on raconte et quand on essaie de comprendre l'état d'esprit de ces musiciens-là. On le retrouve d'ailleurs à l'œuvre chez les musiciens afro-américains pendant toutes les premières périodes du jazz d'une autre manière. On connaît par exemple la relation extrêmement forte de cette musique qui est une musique de célébration de la vie. C'est même la musique autobiographique par excellence. Le blues, par exemple, c'est la quintessence de la musique autobiographique. On raconte sa vie pour soi-même. Mmh. Et en même temps, on la raconte dans un contexte qui est extrêmement mortifère, par exemple celui des funérailles à Nouvelle-Orléans, celui du contexte de la ségrégation, des lynchages, ce genre de choses. Chez Jarrett, il y a sans aucun doute, et d'ailleurs c'est pour ça que l'interview du New York Times était aussi intéressante de ce point de vue-là, ce retour à une foi chrétienne qui est quand même assez autoritaire de ce point de vue-là, était vraiment intéressant à double titre, et éclairait justement toute la recherche de Jarrett pendant des décennies autour de Gurdjieff et des autres philosophies. Gurdjieff, c'est la philosophie du travail, c'est comme ça qu'il nomme sa méthode spirituelle d'éveil. Il considère que les hommes non éveillés sont en fait quasiment sous état d'hypnose, ne connaissent pas leur vraie réalité, et par le travail, qui est un travail de la danse, alors d'où l'intérêt chez Jarrett, c'est-à-dire que il va même enregistrer d'ailleurs les hymnes sacrés de Gurdjieff pour montrer cet investissement-là. C'est-à-dire, c'est la danse et la musique qui doivent nous faire sortir de ce corps, de sortir de cet état d'hypnose pour rentrer dans la vraie réalité. Alors après, on y croit pas. D'ailleurs, la dimension du chercheur que je suis et du musicien, ouais, c'est pas de croire à ces choses-là, mais c'est de comprendre comme on peut le faire, et vous remarquerez qu'il y a une vraie différence de ce point de vue-là, un musicologue ou un historien qui étudie Mozart, Bach ou Messiaen n'aura aucun problème pour étudier la dimension maçonnique chez Mozart ou la dimension religieuse chez Bach et chez Messiaen. Et dans le jazz, ça a toujours été un petit peu problématique pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on aime le jazz pour sa dimension populaire de musique de bordel et de club, ce qu'il est aussi. Donc on a beaucoup de mal à intégrer ça. Et on a toujours considéré, par exemple, chez Jarrett, que c'était un épiphénomène. C'était, après tout, c'est le New Age, c'est comme ça. Mais là, finalement, vous mettez le doigt dessus. C'est-à-dire que ce rapport au corps, qui a toujours été le rapport du jazz, le rapport au sacré du jazz, est un rapport corporel. C'est là, justement, la réconciliation de l'âme, du corps et de l'esprit, totalement. Ce qui était quelque chose qui, dans la culture occidentale, avait été quelque peu séparé. Et donc là, on revient à cette chose-là. Et chez Jarrett, ça prend une dimension qu'on pourrait nommer de transe, mais c'est un vrai problème pour le musicien. Qu'est-ce que la transe pour le musicien? Un musicien qui rentre en transe, c'est un musicien qui peut plus jouer concrètement. Mais malgré tout, il faut lâcher prise, l'improvisateur doit lâcher prise pour retrouver un peu de cet état, un peu de cette liberté qu'il recherche. On en parlera beaucoup cette semaine, évidemment, de l'improvisation et de la transe, et notamment du concert de Cologne qui l'a rendu célèbre. Un mot d'ailleurs, peut-être, comment expliquez-vous, Raphaël Imbert, que ce soit Keith Jarrett, parmi tous les jazzmen du XXe siècle, qui ait connu un tel succès? L'album du concert de Cologne a été vendu à plusieurs millions d'exemplaires dès sa sortie. C'est aujourd'hui, je crois, le disque de jazz le plus vendu. Comment vous expliquez ça? Alors, j'appelle ça le projet le Blair Witch Project du jazz. Vous savez, c'est le genre de projet qui coûte très peu au départ et qui rapporte énormément. C'est-à-dire que, imaginez, le concert de Cologne, c'est un concert qui n'aurait pas dû avoir lieu, en fait. C'est quand même d'autant plus étonnant. C'est justement là pour expliquer l'état d'esprit de l'improvisateur qui est Jarrett, c'est important de connaître l'histoire du concert de Cologne. C'est-à-dire que c'est un concert. Il est dans une tournée européenne extrêmement fatigante. Il dit qu'il n'a pas dormi depuis 2 jours. Il arrive à l'Opéra de Cologne. C'est une salle magnifique, mais le piano qu'on lui donne, c'est pas celui qu'il attendait, et c'est un piano qui est mauvais. Alors la relation de Keith Jarrett à l'instrument, je pense que vous en parlerez. On en parlera demain avec la pianiste. Voilà, évidemment. Donc il se retrouve avec un instrument extrêmement mauvais, la pédale de sustain ne marche pas, d'ailleurs on l'entend dans l'enregistrement, il joue avec, d'ailleurs comment on joue avec les handicaps qu'on se donne finalement. Il ne veut pas faire le concert, les conditions d'enregistrement sont pas bonnes, mais malgré tout, Manfred Escher, son producteur, le convainc de le faire quand même, en disant bah, de toute façon, il faut faire le concert, on ne perd rien, on va enregistrer, on verra bien ce que ça donne. Et cette situation d'abandon, mais presque de colère qui se transforme en abandon, fait que il joue les quatre premières notes, vous savez, de la sonnerie d'appel de l'opéra. Souvent dans les opéras, vous avez une sonnerie qui dit aux gens que le concert va commencer. Il prend les notes, il commence, ça se lâche et tout le concert est totalement improvisé à partir de ces quatre premières notes et devient épique d'une certaine manière et devient iconique aussi, mais aussi parce que, en fait, et j'arrête le dit bien dans le texte que vous avez cité, c'est-à-dire qu'en fait, c'est tous les souvenirs qui ressortent. Ouais. Jarrett, c'est ce musicien qui est éduqué à la musique classique, qui est un passionné de musique folk et de country, qui est aussi un passionné de musique dite noire américaine, le gospel, le blues et tout ça ressort en fait. Il est presque dans une situation, il le dit dans certaines interviews, il est presque dans une situation où il dit, bah je vais jouer ce que mérite ce piano en fait. Donc en gros, je vais jouer quelque chose de simple, et le simple chez un génie comme Jarrett, ça donne quelque chose qui touche tout le monde, en fait. Ça donne un objet pop au sens où on l'entend presque au niveau marketing. C'est-à-dire, imaginez un musicien qui aurait voulu le faire, le préparer, ça aurait demandé des mois de préparation pour faire un résultat qui aurait été forcément moins touchant, justement, par la dimension totalement créative et improvisée de ce moment-là. Et ça devient, effectivement, ce concert qui devient une œuvre à part entière, par la magie de l'enregistrement, c'est-à-dire que la partition du jazz, c'est l'album, c'est l'enregistrement. Donc c'est là où on peut graver ce qui est totalement, aléatoire, hein, ce qui est subtilement aléatoire, qui peut disparaître si jamais on ne le grave pas. Ça devient une œuvre pop, parce que toutes les réminiscences de Jarrett liées à la musique classique, à la musique pop justement de son époque, le folk, le gospel et le jazz, ressortent là de façon totalement... j'aime pas le mot instinctif, mais de façon naturelle, en quelque sorte. Et c'est ça qui touche forcément les gens, et ça a été d'ailleurs un succès immédiat, hein, c'est-à-dire que ça s'est vendu tout de suite. Et vous avez quelques cas comme ça dans l'histoire du jazz, qui est cette musique qui paraît un peu, qui nous paraît un petit peu éloignée des préoccupations populaires, et pourtant qui est née d'une intention populaire. Il y a rien de plus populaire que la naissance du jazz. Et pourtant, là, on revient justement à cette essence-là. Musique n'est ni vraie ni belle. Elle envahit l'écoute comme un réel inassignable, un réel violent. Irruption de réel à l'état brut, sans possibilité d'approche par le biais de la représentation. Tel est l'effet musical et la raison de sa puissance particulière. Le monde est trop plein d'images, de renvois, de références et de reflets. Sa teneur en réel s'y dilue sans cesse dans le jeu de la réplique et dans l'espace du point de vue. On ne s'attendait pas à ça. Au réel, ainsi livré, sans commentaire, et il est déjà trop tard pour réagir, pour accommoder un point de vue. Face à la musique, l'auditeur est toujours pris de court, pris par surprise. C'est que l'effet musical est avant tout un effet de réel, et que le réel est la seule chose au monde à laquelle on ne s'habitue jamais complètement. arrivez à dire ce qui se passe, Raphaël Imbert, quand on écoute ça? Moi, j'arrive pas à trouver les mots, et donc c'est encore Clément Rosset qui me paraît le plus juste. L'effet musical, bah, c'est cet effet de réel. C'est une chose comme le réel, on ne s'habitue jamais complètement, et c'est pour ça sans doute que cette musique prend autant à la gorge, non? Bah, alors là, vous me posez une colle d'une certaine manière, parce que déjà commenter Keith Jarrett, c'est une chose, mais commenter Keith Jarrett après Clément Rosset, ça devient une gageure. Mais si pour parler plus particulièrement de ce morceau, c'est quand même assez intéressant de voir quel effet il a eu dans l'histoire du jazz et de sa représentation. C'est-à-dire qu'en fait, ce morceau, c'est un rappel dans le concert de Collins, c'est le dernier morceau, et il a un titre qui n'existe pas dans le concert de Collins, qui s'appelle Memories of Tomorrow, c'est-à-dire les mémoires de demain. Donc on est en plein dans ce que Keith Jarrett racontait tout à l'heure et qui, à mon avis, résonne parfaitement avec les différentes citations de Clément Rosset que vous avez données. Mais ce qui est marrant, c'est pourquoi il a un titre qui n'est pas sur le concert de Cologne. En fait, visiblement, cette mélodie préexistait. On a quelques enregistrements d'autres concerts en solo ou en trio où Jarrett s'amuse avec ce thème, avec cette mélodie. Mais en fait, elle va venir se cristalliser lors de ce fameux concert de Cologne, et il va être rebaptisé ensuite, et notamment dans le fameux Real Book. Le Real Book, c'est un recueil de partitions que tous les apprentis jazzman doivent avoir pour apprendre les standards du jazz. C'est quand même extraordinaire de voir qu'un morceau qui est en gestation, qui en fait on assiste presque à la naissance d'un morceau en écoutant ça, et on à partir de cette naissance là et de cette gestation qu'on connaît, ça devient un standard de jazz, ça va trouver un baptême différent, une autre histoire, une autre réalité qui devient autre chose. Et alors pourquoi le titre Memories of Tomorrow? C'est toujours ce sens au temps, ce sens au souvenir qui est si cher à Keith Jarrett, et que moi j'ai utilisé d'ailleurs j'ai fait une reprise de ce morceau-là pendant le confinement lors d'une interview pour Philosophie Magazine où on interrogeait la notion de temps et de musique et d'improvisation pendant le confinement. Je sais pas si vous êtes au courant, mais pendant le premier confinement, les plateformes de musique classique et de jazz ont explosé. En fait, on avait un temps différent, un temps d'écoute et d'acceptation différent. Et du reste, le concert de Cologne est devenu, qui a toujours été un grand succès, puisque vous parliez du succès lors de sa sortie, mais en fait, c'est un succès qui s'est jamais démenti. Mais c'est presque devenu ce morceau, et en particulier ce concert-là et ce disque-là, à nouveau, c'est devenu presque un des disques de cette génération qui a vécu ce confinement si particulier, ce retour à la maison, ce côté statique qui va trouver une autre réalité à travers l'écoute de quelque chose qui est en gestation, qui est en mouvement, en improvisation, et qui semble, par cette magie même, être improvisé à nouveau. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on écoute le concert de Cologne, et du reste, comme de très nombreux concerts, particulièrement les concerts solo de Jarrett, et notamment le dernier, Budapest, qui est absolument merveilleux de ce point de vue-là, qui vient de paraître, voilà, qui est d'ailleurs un témoignage d'autant plus fort que c'est lié à l'interview du New York Times dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que on a le testament en quelque sorte de Keith Jarrett, et à chaque fois qu'on écoute ces morceaux, quelle que soit l'époque de ces disques, on a l'impression que c'est à nouveau recréé devant nous. C'est quand même un art et un esprit, pour reprendre les termes de Jarrett, qui à la fois paraît très particulier au jazz, mais il ne faut jamais oublier qu'en fait, c'était un état d'esprit qui était parfaitement présent dans la musique classique jusqu'à une époque récente. Les musiciens classiques improvisaient avant. Les compositeurs, quand on parle de Bach, de Mozart, de Beethoven ou de Chopin, pensaient d'ailleurs à Liszt et à Paganini, c'est-à-dire que dans leurs concerts, la dimension d'improvisation était requise par les auditeurs, par les fans, parce qu'il y avait une vraie fan base, comme on peut en avoir maintenant dans la musique populaire industrielle, qui suivait les concerts et qui demandait à ce que les concerts soient différents chaque fois. Et la dimension improvisée de ces concerts-là était primordiale. C'est-à-dire qu'un musicien qui faisait deux fois la même chose n'était pas considéré comme un bon musicien. Et donc on part de loin, finalement. Le jazz, et particulièrement cette relation que j'arrête à l'improvisation, avec un côté quand même de la forme qui est construite lors de l'improvisation, qui est quand même très très construite, on le voit, les gens ont l'impression souvent en écoutant Jarrett, et particulièrement le concert de Cologne, oui, que c'est une œuvre classique écrite, mais en fait c'est parce que tout simplement Jarrett renoue avec cette tradition-là, comme tous les jazzman l'ont fait, c'est-à-dire renouer avec l'oralité et l'instantanéité de la musique qui doit être comme ça. C'est-à-dire qu'il y a eu un phénomène dans la culture occidentale qui a mis un petit peu l'opprobre sur la dimension oralité improvisation improvisation dans tous les arts, et particulièrement dans la musique, ben en fait, au moment où l'improvisation disparaît dans l'histoire de la musique classique, c'est justement le moment où le jazz apparaît. On peut voir le jazz comme un acte de résistance vis-à-vis de cette lutte-là entre l'écrit et l'oralité, entre l'improvisation et l'œuvre avec un E dans l'eau majuscule. J'ai beaucoup écrit sur la trace, parce que la trace, c'est ce qui nous a permis de retrouver dans les savanes désolées du souvenir les valeurs africaines, par exemple. Et de, combinant ces valeurs retrouvées par trace avec le concret, la réalité concrète des instruments de musique européens, saxo, trompette, trombone, etc., de produire un art universel comme le jazz, valable pour tous. Il n'y a pas de chant africain qui a traversé l'océan dans les bateaux négriers. Ce qui a traversé, c'est une sorte de rythme de base qu'il a fallu retrouver par trace. Et comme on a retrouvé ça par trace, c'était valable pour tout le monde. Que vous entendez, ce sont les instruments du groupe de Miles Davis, ici dans le morceau Sivad, donc où Keith Jarrett joue au synthétiseur, c'est l'un de ses premiers enregistrements. Justement, il joue dans ce groupe de Miles Davis, et ça vient après une archive d'Edouard Glissant que vous avez entendu. En vous écoutant, Raphaël Imbert, je me disais qu'au fond, le travail de l'improvisation qui consiste à préparer énormément pour ensuite laisser libre cours à son imagination, c'est un peu ce qu'on fait tous les matins ici, et ce que je vous propose de faire avec moi. En plus, on ne se voit pas, et je vous propose Edouard Glissant puis Keith Jarrett chez Miles Davis, et on essaye de voir comment l'un renvoie à l'autre. C'est passionnant de voir ce que Glissant dit sur l'importance de la trace, de la créolisation, qui fait que ce qui explique pourquoi le jazz lui-même serait, dit-il, la première musique du monde. Difficile de ne pas essayer d'écouter ce qu'on est en train d'entendre avec ce regard-là ensuite. Ah bah là, oui, là, on assiste, nos oreilles assistent à un festival de créolisation, selon les termes de Glissant. C'est-à-dire qu'on a là, dans ces groupes de Miles Davis, on est au début des années 70, là, au tout début des années 70, et Keith Jarrett accepte de jouer sur les instruments électriques. Pas tout à fait des synthétiseurs, d'ailleurs, c'est plutôt des orgues et des Fender, ouais. C'est-à-dire des instruments électriques qui peuvent être trafiqués. Et Keith Jarrett déteste ces instruments, mais que ne ferait-on pas pour Miles Davis? C'est-à-dire que, vous savez, Miles Davis, c'est un petit peu le parrain, et comme le parrain peut faire des propositions qu'on ne refuse pas, en fait, hein, d'une certaine manière. Donc, et d'ailleurs, Jarrett aura toujours manifesté cette admiration sans bord et sans limite pour Miles Davis, malgré le fait qu'il lui fasse jouer sur ce que lui définissait comme des jouets. Il avait vraiment l'impression de jouer sur des jouets, en fait, des toys, et en fait, on entend le résultat, cette créativité immense, c'est-à-dire que c'est des morceaux qui peuvent durer 15-20 minutes, quasiment entièrement improvisés, juste sur une basse, sur un... Et là, on entend, là, juste à l'instant, rendez-vous compte sur l'art de Miles Davis en deux notes de la trompette, changer donc, l'ambiance. Hein. Mais voilà, la trompette, c'est celui qu'on entend, la trompette. Et quelques notes suffisent à faire comprendre à un groupe de 10 musiciens qu'on doit passer à un niveau complètement différent. Tout ça n'est absolument pas écrit. Ouais. Mais c'est effectivement Edouard Glissant qui, dans l'histoire de la philosophie, définit mieux le jazz. D'ailleurs, il fait partie de cette histoire-là, c'est-à-dire qu'il assiste à une partie de l'histoire du jazz et il la définit à travers ce terme de créolisation. Et ce terme de trace aussi, extrêmement important, parce que justement, ce qu'on entend là, Par exemple, là, derrière nous, ce qu'on entend là, et justement, c'est pas de l'improvisation libre. Il y a des groupes, par exemple, de musique contemporaine qui font de l'improvisation générative dont le but, c'est de montrer qu'on a on part de rien et on construit tout à partir de ce rien-là. Ce qui d'ailleurs donne des résultats souvent assez étonnants et assez flamboyants. Mais l'intention du jazzman, c'est justement partir d'une mémoire. Ouais. Notamment d'une mémoire qui a été totalement oubliée. On l'a lutté contre la réminiscence et la résurgence de ces mémoires. C'est la mémoire de la traite négrière, c'est la mémoire de l'esclavage, c'est la mémoire de la ségrégation. Donc la dimension politique de cette musique est évidente, tout autant que sa dimension spirituelle, et l'un et l'autre font partie intégrante de l'esprit de cette musique. Et chez Jarrett, j'étais assez étonné d'ailleurs, parce que il y a une très belle interview de Pablo Agenon de Keith Jarrett chez lui, qui a été publiée dans l'Express il y a quelques années, et il parle de choses d'ailleurs qui répondent parfaitement aux interrogations qu'on a. Il définit en fait le jazzman comme étant trois musiciens. Il y a presque un côté, c'est vrai, chez l'improvisateur, schizophrène de ce point de vue-là. Le jazzman, c'est à la fois un improvisateur, un compositeur, et c'est l'instrumentiste, en l'occurrence le pianiste. Le pianiste, c'est celui qui juge et qui écoute ce que les autres ont là à proposer. Son boulot, c'est d'exécuter. Le compositeur, c'est le sage, celui qui a passé sa vie à écouter, à étudier les styles musicaux. Et puis la maxime de l'improvisateur, c'est la sécurité en dernier. Et il ajoute quelque chose, et c'est assez étonnant, il suit en cela la pensée du tremblement. La pensée du tremblement, c'est Édouard Glissant. Trembling thinking, qui est un concept bien connu aux États-Unis, parce qu'Édouard Glissant a enseigné aux États-Unis, c'est celui de, c'est le tremblement du monde contre la certitude et les credos, justement, les certitudes des idéologies. Et le jazz, pour lui, c'est aussi cette musique du tremblement. C'est une musique qui comprend tout le monde. C'est la première musique du monde. Historiquement, c'est vrai. Les États-Unis qui se créent comme une nation qui se pense comme une nation monde, et c'est la première fois en histoire de l'humanité où l'ensemble des cultures en présence font sens commun à travers la musique. C'est autant d'ailleurs dans les musiques rurales, le blues, la country, le jazz, toutes ces musiques-là sont la résultante des rencontres qui n'auraient pas dû avoir lieu d'ailleurs, grâce à cette pensée du tremblement, et qui nourrit l'improvisateur selon Jarrett. Moi j'étais très étonné de voir une référence aussi évidente à la pensée de Glissant chez Keith Jarrett. Il semblerait que, au-delà de la pensée, des pensées ésotéristes dont on parlait tout à l'heure, il y avait aussi un intérêt pour des pensées intellectuelles qui pouvaient définir mieux que d'autres la façon d'improviser de Keith Jarrett. Et est-ce qu'il faut transposer ce que dit Édouard Glissant à par exemple ce qu'on a entendu, l'extrait du groupe de Miles Davis, au fait qu'on a ici plusieurs musiciens qui arrivent à jouer ensemble? Au fond, il y a une sorte d'unanimité, voire d'alchimie qui se passe entre les musiciens, qui serait peut-être à l'image de ce qui se passe quand le jazz apparaît, et quand même quand il a une fonction plus politique et collective en tout cas. C'est une évidence, parce que justement, quand Édouard Glissant parle des traces, parle de ces résurgences, il pense évidemment, il parle de ces chants africains qui n'ont pas traversé l'Atlantique. Ça, c'est une réalité musicologique et historique, mais malgré tout, il en reste des traces. Alors, d'où elles viennent, comment elles sont construites? Parfois par des choses très petites, qu'on retrouve par exemple dans l'art de l'improvisation du blues. Le fait de jouer une idée, de la répéter et de trouver la réponse à cette idée. Ça paraît, alors là, je vais vous parler de choses très très simples, mais c'est presque une méthode qui permet d'improviser sui generis, c'est-à-dire qu'on ex nihilo, on peut improviser à partir d'une idée très simple en la répétant. Le problème de l'improvisateur quand il se retrouve devant la page blanche qui est le temps qui défile, c'est d'essayer de faire compliqué, en fait, d'essayer de faire quelque chose qui est nouveau. Or, le jazzman sait très bien qu'il peut partir de quelque chose de connu, quelque chose d'où la nécessité du standard, par exemple, d'où la nécessité de connaître certaines phrases, d'avoir des éléments de traces, justement, pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. On part toujours de l'histoire, on part toujours du patrimoine pour aller vers la créativité. C'est d'ailleurs en cela que beaucoup d'intellectuels, de musicologues ou de spécialistes de la musique contemporaine, par exemple, ont toujours vu avec méfiance le jazz. Ils peuvent pas imaginer le jazz, musique du XXe siècle, musique de l'avant-garde et de la modernité, comme étant totalement d'avant-garde à partir du moment où les musiciens revendiquent justement de partir d'une histoire, d'une mémoire, d'un patrimoine. C'est pas Boulez eau compatible, si c'est vis-à-vis de la pensée de Pierre Boulez et de celle de tous les grands compositeurs de musique contemporaine de l'époque. Donc il y a une vraie frontière de ce point de vue-là que Glissant explique parfaitement. Et qu'on entend à l'œuvre dans l'extrait qu'on a entendu, pourquoi et comment on arrive à improviser à 10 musiciens. Ouais. Et c'est justement à partir de quelque chose d'assez simple, par exemple la basse, par exemple l'intention de Miles Davis dans ces groupes-là, c'est de renouer avec la musique populaire de sa communauté, de la communauté noire américaine. Mais ce faisant, comme c'est un immense créateur et un improvisateur assez complètement génial, il crée une nouvelle musique. Vous avez chez Coltrane le même phénomène. Quand Coltrane compose The Love Supreme, qui est un peu l'autre concert de Cologne, parce que c'est aussi un album de free jazz assez difficile d'écoute de prime abord et qui a eu un succès monstrueux. Il part en fait de son étude des chants grégoriens, de la musique médiévale et des traditions africaines qu'il a étudiées à travers des enregistrements de la Tunji à l'époque pour en faire une nouvelle œuvre. Il y a vraiment cette intention de partir des, alors ce qu'on pourrait appeler des racines, mais juste en glissant, lui définit ça comme des rhizomes. Il dit là, les racines c'est statique, les rhizomes c'est ce qui nous relie tous. Et on part de ces rhizomes-là et on fait à chaque fois quelque chose de nouveau par l'art de l'improvisation. Donc en fait, cette pensée-là permet justement de jouer à plusieurs, permet de trouver un fond commun, un tronc commun, et notamment les groupes de Miles Davis, si vous les voyez, ce soit celui de Kind of Blue avec Bill Evans, Cannonball Adderley, John Coltrane, celui qu'on vient d'entendre avec Keith Jarrett, avec Chick Corea, avec Jack DeJohnette à la batterie, c'est des musiciens qui viennent d'horizons totalement différents. C'est-à-dire que le jazz, à chaque fois, se recrée comme une musique du monde. À chaque fois, on a ce même miracle qui a lieu à travers des rencontres qui n'auraient pas dû avoir lieu. C'est-à-dire que ces rencontres-là n'ont pas pu être possibles en dehors de ce terrain-là, de cette pensée-là. Un album de Keith Jarrett, alors il en a fait des dizaines et des dizaines, hein, s'appelle The Moth and the Flame, le papillon de nuit et la flamme. C'est une image que l'on retrouve à travers l'histoire non seulement littéraire, c'est philosophique. Jean Kelevitch prend cette image pour montrer qu'il est très difficile de trouver la juste distance qu'il faut avoir avec le réel pour pouvoir le penser. Si le papillon est trop près de la flamme, il se brûle les ailes. S'il s'en écarte, eh bien il ne voit rien. Et on trouve cette image-là chez un poète mystique persan qui s'appelle Fariduddin Attar, qui date entre le 12e et le 13e siècle. Et je vous propose d'écouter ce texte et vous nous direz ensuite comment cette image-là, du papillon de nuit et de la chandelle et de la flamme, serait peut-être la plus appropriée pour essayer de définir ce qu'est le jazz. Une nuit, les papillons se réunirent, tourmentés du désir de s'unir à la bougie. Tous dirent: il faut trouver quelqu'un qui puisse nous donner des nouvelles de l'objet de notre amoureuse recherche. Un papillon alla jusqu'à un château lointain et il aperçut dans l'intérieur la lumière de la bougie. Il revint et rapporta ce qu'il avait vu. Il se mit à faire la description de la bougie selon la mesure de son intelligence. Mais le sage papillon qui présidait la réunion exprima l'opinion que le papillon explorateur ne savait rien sur la bougie. Un autre papillon alla passer auprès de la lumière et s'en approcha. Il toucha de ses ailes la flamme, la bougie fut victorieuse et il fut vaincu. Il revint lui aussi et il révéla quelque chose du mystère en question. Il expliqua un peu en quoi consistait l'union avec la bougie. Mais le sage papillon lui dit: ton explication n'est pas plus exacte que celle qu'a donnée ton compagnon. Un troisième papillon se leva, ivre d'amour. Il alla se jeter violemment sur la flamme de la bougie. Lancé par ses pattes de derrière, il tendit en même temps celle de devant vers la flamme. Il se perdit lui-même et s'identifia joyeusement avec elle. Il s'embrasa complètement et ses membres devinrent rouges comme le feu. Lorsque le sage papillon vit de loin que la bougie avait identifié l'insecte à elle et lui avait donné la même apparence, il dit: le papillon a appris ce qu'il voulait savoir, mais lui seul le comprend. Et voilà tout. On entend les ailes du papillon à la place, enfin quand les touches, quand Keith Jarrett appuie sur les touches, Raphaël Imbert. Alors Keith Jarrett, ce serait ce troisième papillon, non? Celui qui est ivre d'amour et qui va se jeter violemment sur la flamme de la bougie pour ne faire plus qu'un avec elle au risque de se consumer. C'est assez évident, mais c'est un vrai, chez les jazzman, particulièrement à cette époque-là, c'est un vrai problème. C'est quand même l'époque où ont justement, dans cette recherche absolue de vérité autour de l'improvisation, on a aussi cette quête éperdue de nouvelles philosophies. Alors, le texte qu'on vient d'entendre, magnifiquement dit, évidemment, tout ce qui est autour du langage des oiseaux, tout ce qui est autour des traditions soufis orientales, sont des choses qui sont lues par les jazzman à l'époque. Donc il y a une identification totale à la symbolique du papillon qui se brûle et qui fait qu'un avec son objet, avec sa recherche. Le problème, c'est qu'ils l'ont beaucoup fait. Le problème, c'est qu'ils se sont brûlés les ailes. Beaucoup de la moyenne d'âge des jazzman à l'époque, c'est assez jeune. Je veux dire, ça a toujours été le cas. Il y a une façon de vivre, une hygiène de vie, une façon de se lancer dans l'aventure qui a été extrêmement préjudiciable à leur santé, à leurs proches et à leur environnement et à leur bien-être d'une certaine manière. C'est cette quête absolue de vérité a pu aussi avoir des conséquences assez terribles. Et beaucoup de jazzman, on le voit à l'œuvre d'ailleurs. Moi, je l'ai étudié dans un chapitre de ce livre sur le spirituel dans le jazz. Par exemple, tout le phénomène que les jazzman dans les années 40 et 50, tout ce phénomène de conversion à un certain islam mystique, dont le bebop, celui de Dizzy Gillespie, mais celui qu'on va retrouver chez Youssef Latif, Ahmad Jamal, où on recherche finalement une quête de la vérité à travers une conversion religieuse, mais aussi une conversion qui leur permette de retrouver une certaine hygiène de vie, notamment leur rapport à la drogue et à l'alcool. Et chez Jarrett, alors évidemment, on a cette quête d'absolu qui est évidente dans la façon de jouer. On le voit, on l'a dit, dans la corporalité de ce qui est dit. Il faut en parler, je pense que vous en parlez cette semaine, sur le caractère de Jarrett. Ouais. Jarrett est connu aussi pour des caprices de star. C'est pas tout à fait des caprices de star, c'est autre chose. C'est quelque chose qui fait partie, en fait, d'un environnement qui s'est créé. Il le dit lui-même. Il dit, si je n'ai pas un environnement parfaitement cadré, je ne peux pas jouer. Je suis dans un tel état. Alors, il a été aussi victime du syndrome de fatigue chronique de façon assez sévère, qui l'a empêché de jouer pendant de nombreuses années. S'il n'a pas un cadre extrêmement précis, il ne peut pas jouer. Ce qui paraît totalement paradoxal, c'est quelqu'un qui revendique ce fait que improviser, c'est se brûler les ailes et se jeter totalement dans la flamme. Et en même temps, on assiste à quelqu'un qui a finalement une façon de vivre et une façon d'exiger sa façon de vivre et de l'imposer aux autres, qui est extrêmement drastique. Mais d'une certaine manière, il l'explique, il dit, sinon, ça fait longtemps que je ne serai plus de ce monde, en quelque sorte. Ça fait longtemps que je ne pourrai plus jouer. C'est d'ailleurs ce qui donne un caractère encore assez fort à l'interview du New York Times. Ça y est, on attendait, finalement, on était dans l'attente de savoir à quel moment Jarrett allait dire qu'il n'arrivait plus à jouer. À la fin des années 90, au moment de son syndrome de fatigue chronique, on croyait qu'il n'arrivait plus à jouer, puis il est revenu avec des disques et des enregistrements et des concerts magnifiques. Bon, là, apparemment, c'est fait. Et ça donne toute cette dimension, toute cette appréhension qu'on a vis-à-vis d'un musicien qui reste assez indispensable, en fait. Donc, l'image, vous voyez, le morceau qu'on vient d'écouter de The Moth and the Flame, ça date de 79. C'était il y a un certain temps. On voit que cette quête était déjà très présente, et que d'une certaine manière, il y a aussi une méfiance, une certaine crainte vis-à-vis de cela. Il y a des jazzman se sont réellement brûlés les ailes. Je pense à Coltrane qui est mort à 41 ans, tout bêtement, hein. Après, ils vivent quand même plus longtemps que les rockers, les jazzman, j'ai l'impression. C'est pas 27 ans, chez alors, eux. Alors, c'est pas 27 ans. Oui, il nous reste 30 secondes. La génération. Oui, ça, c'est la génération des 37 ans. Des 27 ans, c'est autre chose. Là, il y a une moyenne d'âge, jusqu'en les années 60, d'une quarantaine d'années chez les jazzman, justement, par rapport à ça. Donc, on voit vraiment à l'œuvre cet équilibre extrêmement précaire que l'improvisateur vit quand il se jette dans les flammes, justement. Merci infiniment, Raphaël Imbert, d'avoir discuté avec nous ce matin de Keith Jarrett. C'était vraiment un plaisir d'ouvrir cette semaine à votre compagnie. Je renvoie les éditeurs à votre livre, Jazz Suprême, initié, mystique et prophète, qu'on trouve aux éditions Éclat, dans lequel vous trouverez beaucoup de prolongements de ce qui a été dit ce matin, chers auditeurs. Je remercie Denis Podalides, qui a lu les textes pour nous cette semaine. On se quitte avec quelques secondes de God Bless the Child, puisque c'est la version par Keith Jarrett qui a ouvert l'émission. Ben, on se quitte avec quelques secondes de Billie Holiday. Them that's got shall have, them that's not shall lose. So the Bible said, and it still is news. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own. That's Sur France Culture, les chemins de la philosophie avec délicatesse, il est temps de passer la parole à Aurélien Belanger pour sa question philo du jour. Tu les aimes tes cours de philo ? C'est vraiment très enrichissant. Ça demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle. Votre question ce matin, est-ce que la notion de crime contre l'humanité est vraiment prise au sérieux ? Alors un jour, je suis allé à Moscou et j'ai touché la pierre rousse de l'immeuble de la Loubianka où le KGB tuait ses prisonniers d'une balle dans la nuque. Une autre fois, j'ai cherché sur une carte interactive le nom des enfants juifs qu'on avait arrêtés dans ma rue à Paris. Et j'ai depuis l'impression qu'elle donne directement sur le ravin de Babillard. J'ai lu des récits de massacres au Rwanda, au Cambodge, en Syrie. J'ai longtemps regardé récemment la photo satellite d'un camp de concentration récemment construit dans un désert chinois, des barres alignées et identiques, avec au milieu d'elles le bâtiment des gardes, qu'on reconnaissait à ce qu'il était directement relié par une passerelle au chemin de ronde. En ce moment, quelque part, là-bas, quelqu'un obéit à un ordre absurde en regardant le bleu glacé du ciel, et je ressens son désespoir qui me conduit malgré moi à trahir l'espérance qu'il peut lui rester, et à haïr toute l'humanité, cette détestable espèce qui parvient à construire un tel désespoir à une échelle aussi industrielle. Les crimes contre l'humanité ont pour effet secondaire de nous faire passer le goût de la vie. Cela ne dure qu'un instant, incommensurable avec l'immensité de la mort, mais c'est un sentiment nouveau, un dégoût né avec le XXe siècle et qui mine secrètement tout ce que la morale universelle avait cru jusque-là sauver. En cela, elle n'est pas absurde, cette notion de crime contre l'humanité. C'est quelque chose qui salit toute l'humanité. C'est quelque chose qui rend le concept d'humanité lui-même un peu détestable. Le crime contre l'humanité nous rassemble dans l'idée qu'on n'a plus trop envie d'appartenir à cette espèce. Et c'est ce paradoxe qui serait constitutif du crime contre l'humanité, c'est ça ? On pourrait utiliser cela, oui, pour définir la nature du crime contre l'humanité. C'est le processus par lequel une espèce animale se mettrait à nous répugner instinctivement. Sauf que cette espèce, c'est la nôtre. Et oui, et donc on se retrouve un peu dans la situation d'un candidat de Fort Boyard qui viendrait de retirer sa main de la boîte remplie de serpents où il s'était engagé plein de glorioles nietzschéennes, et il verrait soudain, en se retournant vainqueur avec la clé, que ses coéquipiers seraient dans l'intervalle tous devenus des serpents, et que le fort entier serait devenu un vivarium de cauchemars, et que lui-même il n'en sortira plus, maintenant qu'à son tour, transformé en serpent, il ne peut plus tenir la clé, l'aventure de l'histoire universelle aurait soudain basculé dans le dégoût. Oui, c'est mon rêve, cette épreuve de Fort Boyard. En tout cas, vous, c'est pour ça que vous considérez que la notion de crime contre l'humanité n'est pas vraiment prise au sérieux. Parce qu'en fait, si elle l'était, nous n'y survivrions pas. C'est pour cela qu'on se contente en général de courts flashs de mélancolie et de photos aériennes ou satellites de camps de concentration. Malgré notre viscosité lâche et serpentine, notre voyeurisme et notre dégoût de nous-mêmes, il peut cependant nous arriver de rassembler assez de force pour parvenir encore à tenir la clé. Je pense par exemple à ce texte dans lequel Roberto Bolaño, après avoir raconté son passage dans les geôles de Pinochet, reconnaît lucidement que si son camp, la gauche, avait gagné, il aurait été de toute façon déporté malgré tout. Non pas qu'il se rêve alors en victime universelle, il parvint plutôt à s'imaginer à la place du bourreau, et cette contorsion intellectuelle, plutôt qu'un jeu gratuit avec l'idée de la relativité morale, ressemble plutôt au retournement de l'image biblique du serpent. C'est dans cette acceptation lucide, lucide mais non pas résignée, que la place du bourreau et de la victime ne sont pas prédestinées et que le bien et le mal restent deux possibilités égales, que Bolaño parvient à nous arracher in extremis au sentiment diabolique de la mélancolie et à pardonner un instant à l'humanité l'horreur muette de ses crimes. Merci beaucoup Aurélien Belanger. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Et un grand, un immense merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aident chaque jour à préparer ces émissions. Aujourd'hui, c'était Avril Poignant-Legoff avec Manon Delasselle, Clara De Giovanni, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Esther Valencic, qui réalise cette semaine sur Kiss Jarrett pour vous. À la prise de son aujourd'hui, c'était le plus musicien des techniciens Jean-Frédéric, à la lecture des textes Denis Podalydès. On se retrouve demain donc pour la suite de notre confinement avec Kiss Jarrett. Demain, on sera en compagnie de la pianiste Perrine Mansuy. On se demandera comment se passe la conversation intime avec un piano. Ce sera l'occasion de parler du rôle du corps dans l'improvisation, mais aussi donc de la spécificité de cet instrument qu'est le piano. Et puis évidemment d'écouter les meilleurs morceaux de Keith Jarrett. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission en téléchargeant l'application Radio France qui fonctionne très bien. Vous pouvez écouter les émissions en direct, mais aussi les téléchargements, les podcasts pour les écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et l'équipe vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. On est ravis de répondre à vos questions. À demain, 10h. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture. Demain, je vous l'annonce, ce sera un autre jour à démarrer avec les matins de France Culture. Informer, réagir, les matins de France Culture, Guillaume Herner. Avec nos journalistes, des penseurs et des artistes, alors je vous attends dès 7h. Les matins de France Culture, dès 7h et sur franceculture.fr.